Qu'est-ce qu'il arrive? Le chant s'allume, les mains s'élèvent, chaque basse résonne, le public chante, hurle et suit le rythme, chaque vibration frappe comme un éclair dans la nuit. Chaque mouvement, chaque combo, un choc, Red Skill guide le jeu, le public est en bloc. Le public sourit.